Le directeur de l'Institut de la réunification de la patrie, Lee Jong-hyuk, a également publié le même jour l'entretien qui note entre autres. La ligne et l'orientation pour la réunification de la patrie avancée au congrès du Parti travail de Corée par le camarade Kim Jong-un suscite de grands impacts à l'intérieur et à l'extérieur du pays de par leur caractère persuasif à tout le monde. Sous la direction sage des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, patriotes sans égal et guides de la réunification, notre nation a livré constamment le mouvement pour la réunification indépendante de siècle en siècle sous le drapeau de la triple charte, grand programme de la réunification, et entre-temps, elle a planté des jalons historiques de la réunification indépendante comme la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre. Ouvrir le passage à la réunification indépendante quitte le plus tôt possible l'histoire de martyrs nationaux souffrant des malheurs de division pendant plus de 70 années à cause des forces étrangères, dépend de l'application des nouvelles lignes et orientations pour la réunification. Suivant ce grand programme original du camarade Kim Jong-un, le peuple coréen finira par triompher dans sa cause patriotique et colossale de la réunification pour édifier sur ce sol une puissance unie, digne et prospère.